Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 7 mars. On va parler de recrutement. On sait qu'actuellement, les équipes sont actuellement en pleine période de recrutement. Et les Gaillards de Jonquière sont allés chercher un joueur d'impact de Dolbeau-Missassini. Il s'agit de Mathieu Delisle, qui est un joueur de ligne. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com hier, François Laberge explique que c'est un joueur qui était courtisé par plusieurs collèges. Énorme, donc c'est un super bon kid, un étudiant exemplaire. C'est un jeune que je suis depuis 2 ans déjà avec avec Kevin et les Centurions. Donc pour nous, c'est une très grosse prise. Il répond à un besoin aussi parce que des joueurs de ligne, on n'en a pas à la tonne. Fait qu'on est vraiment content d'avoir acquéri Mathieu, qui est justement, comme tu le disais, qui hésitait entre 3 collèges. Donc, de sortir gagnant de ce combat-là, on en est très fiers, très heureux. Puis comme je te dis, c'est un joueur qui a vraiment un potentiel incroyable, puis qu'on sera privilégié de pouvoir le développer et de travailler avec lui dans les prochains. Les Gaillards de Jonquière ont également sélectionné un joueur qui est natif de Dolbeau-Missassini, un quart arrière qui a décidé de transférer de collège cette année. Alexandre Voisine, qui a évolué au cours des 2 dernières saisons avec les Cougars de Chicoutimi, change de 15, s'en va avec les Gaillards de Jonquière. Et François Laberge explique comment ça s'est passé. Là, de l'intégrer à l'équipe, là, va batailler pour le poste de numéro 1 avec la recrue des Lynx qu'on a signé en Frédéric Clemens. Donc les deux ont l'opportunité d'avoir beaucoup de terrain. Okay. On va travailler avec les deux aussi. Là. Alexandre amène vraiment une belle dimension au niveau du sol. Nous, on est RPO, c'est Run Pass Option. Donc à chaque jeu, le carrière décide, selon l'action d'un joueur défensif, si le jeu va être au sol ou s'il va garder la balle pour la lancer ou la courir. Donc je pense qu'Alexandre, à ce niveau-là, est très dangereux avec ses jambes. On va travailler un petit peu sa mécanique de lancer pour continuer son développement. Mais on pense qu'il peut rendre de précieux services aux Gaillards. Puis il a vraiment une bonne chance d'être carrière numéro 1. La balle est dans son camp. C'est lui et Frédéric qu'on va rentrer une saine rivalité entre eux. Il n'y a pas de doute, selon François Laberge, que Alexandre Voisine a des chances de batailler pour le poste de carrière partant. Là, de l'intégrer à l'équipe, là, va batailler pour le poste de numéro 1 avec la recrue des Lynx qu'on a signé en Frédéric Clemens. Donc les deux ont l'opportunité d'avoir beaucoup de terrain. Okay. On va travailler avec les deux aussi. Là. Alexandre amène vraiment une belle dimension au niveau du sol. Nous, on est RPO, c'est Run Pass Option. Donc à chaque jeu, le carrière décide, selon l'action d'un joueur défensif, si le jeu va être au sol ou s'il va garder la balle pour la lancer ou la courir. Donc je pense qu'Alexandre, à ce niveau-là, est très dangereux avec ses jambes. On va travailler un petit peu sa mécanique de lancer pour continuer son développement, mais on pense qu'il peut rendre de précieux services aux Gaillards. Puis, il a vraiment une bonne chance d'être carrière numéro 1. La balle est dans son camp. C'est lui et Frédéric qui vont représenter dans la ligue du Québec qui nous intéressait hier. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui ont défait les Foreurs de Val-d'Or par la marque de 7-1. Maintenant, on va vous donner le classement POC selon le site internet classementpoc.com. On sait que ça sert à déterminer les équipes en région, donc, et le classement au niveau provincial. D'abord, à noter qu'au niveau Bantam, on retrouve les Rapides de Dolbeau-Missassini au 24e rang, les Hurricanes de Matsuyashe au 28e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau au 74e rang. Au niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 3e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau au 16e rang, les Castors de Dolbeau occupent le 34e rang. Et donc, c'était les deux classements. Et les élites de Jonquière ont vu un joueur remporter une bourse d'études de la Fondation du Canadien. En effet, Mikissu Awashish, qui est natif de Matsuyashe, a remporté une bourse de la Fondation. En entrevue hier sur les ondes de DanRadioSport.com, l'attaquant de Matsuyashe a expliqué les raisons qui ont fait en sorte qu'il a remporté ce prix. Oui, bien, premièrement, c'est la bourse... Bourse d'études de la Fondation d'athlètes excellents du Québec en collaboration avec les Canadiens de Montréal. Ça, c'est une bourse remise aux étudiants athlètes qui excellent autant dans le sport que dans les études. OK. Puis, c'est ça, moi, c'est quelque chose que je fais très bien. Je crois que je réussis bien dans mon sport, puis j'excelle aussi à l'école. Je pense qu'ils ont annoncé 92% de moyenne générale quand ils ont remis ma bourse. Okay. C'est des hauts résultats. Puis ça, c'est ça qui m'a permis d'être récipiendaire de la bourse. Qui sait, on ne sait pas s'il va terminer l'année avec les Saguenayens de Chicoutimi. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. C'est sûr que, dans le fond, c'est eux qui décident. Si je reçois un coup de fil de Yannick Jean ou de n'importe quel autre membre de l'organisation, c'est sûr que je vais être très heureux de me joindre à eux pour la fin de la saison. Mais considérant leur position, puis en vue des séries, tout ça, je crois pas qu'ils veulent nécessairement. Je m'attends, en résumé, je m'attends à rien. Okay. Mais c'est sûr que moi, je reste prêt. Je suis prêt à tout n'importe quand. Puis ça va être avec grand plaisir que je me. Avec une compétition de tir à l'arc, il y avait une compétition qui s'est déroulée en fin de semaine. Il y avait des tireurs qui venaient du secteur. D'abord, à noter que du côté de la catégorie des maîtres à 50 ans, Gaston Dubois d'Orberval a terminé avec un pointage de 451. Maître homme 60 ans et plus, Serge Grondin de Saint-Félicien, 405. Maître femme 60 ans et plus, Diane Saint-Gelais de Saint-Félicien, a terminé avec un pointage de 3087. Et cadet ouvert, Mathis Dufour a terminé avec un pointage de 425. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Plusieurs entrevues hier, entre autres avec Guy Saint-Gelin, où on parle évidemment de la Ligue JMS, avec Mickey Sim à Wachiche des élites de Jonquière. On s'est également entretenu avec François Laberge, également des Gaillards de Jonquière, et d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.